Journal Coralie Jeanlin. Alerte au poison dans la capitale, deux infractions ont été constatées ce matin sur les réservoirs d'eau de la ville. Cinq quartiers sont privés d'eau potable. La ruée vers les distributeurs automatiques d'argent liquide. Il y a quelques heures, le ministère des Finances annonçait qu'à partir de ce soir, seule la Banque de France sera habilitée à distribuer des billets. Les quartiers s'organisent, nous reviendrons sur le 13e arrondissement où un jeune a été grièvement blessé hier dans une altercation avec des vigiles. Bonjour, Paris empoisonné. C'est la menace qui pèse désormais sur la capitale. Ce matin, on apprenait que les réservoirs de Boulogne et de Saint-Germain-en-Laye avaient été visités pendant la nuit. Les carpes, qui sont l'indicateur de qualité de l'eau, flottaient le ventre en l'air. C'est la société Eau de Paris, garante de la qualité de l'eau, qui a tiré ce matin la sonnette d'alarme. L'information qu'elle révèle est grave. Le virus de l'hépatite A a été détecté dans les eaux des bassins alimentant les arrondissements situés à l'est de la capitale. La thèse criminelle est privilégiée par la police. Les eaux des réservoirs de Boulogne et de Saint-Germain-en-Laye ont apparemment été souillées par des matières fécales. Il est donc formellement déconseillé, permettez-moi Coralie d'insister sur ce point, il est donc interdit de boire l'eau du robinet. Les personnes qui auraient bu de l'eau ce matin doivent impérativement surveiller leur état de santé. L'hépatite A se manifeste par une fatigue plus ou moins marquée, un syndrome pseudo-grippal avec fièvre, frissons et douleurs musculaires, ainsi que des troubles digestifs modérés. Pas d'affolement tout de même, cette maladie n'est pas mortelle si elle est prise à temps. Les personnes potentiellement infectées doivent se rendre dès à présent au service des urgences de l'hôpital le plus proche. Le reste de la population est appelée à ne pas encombrer les hôpitaux et par précaution à boire de l'eau minérale. Merci Justine Tronc. Et puis n'oubliez pas que la liste des points de distribution d'eau minérale organisée par les pompiers de Paris est disponible sur le site www.gsoifdevie.org ou au 0892 36 36 36. Rappelons que l'action Nestlé réalise une ascension fulgurante, plus 28% en 3 heures. Distributeurs éventrés, agences saccagées pendant la nuit. Depuis plus d'une semaine maintenant, les banques parisiennes subissent des attaques régulières. Et aujourd'hui, un groupe d'individus a tenté d'attaquer un fourgon blindé dans le centre de la capitale. Hier déjà, Daniel Bouton, le président de la Société Générale, déclarait « c'en est trop ». Et il y a quelques heures, un communiqué du ministère des Finances annonçait que seule la Banque de France pourrait désormais distribuer du liquide. Devant le siège de l'établissement, dans le premier arrondissement, certains font déjà la queue. Nasser Loubia. Effectivement, Coralie, les files d'attente s'allongent sur plusieurs centaines de mètres ici devant le siège parisien de la Banque de France. Près de 20 000 personnes attendent leur tour sous l'œil des CRS. Elles espèrent retirer rapidement de quoi subvenir à leurs besoins pour ces prochains jours. Je suis avec Yvonne. Yvonne, vous êtes ici depuis plus de 6 heures, je crois. Oui, écoutez, je suis arrivée ce matin, il faisait encore nuit, mais je me doutais du coup fourré, hein, les banquiers, quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne. Moi j'ai 3 enfants, hein, ça fait 3 bouches à nourrir, alors je suis prête à passer la nuit ici, si je ne bougerai pas, je vous le dis, je ne bougerai pas. Hein. Vous le voyez Coralie, pour le moment, et malgré un vent particulièrement cinglant, les Parisiens font preuve de philosophie. Certains se réjouissent même de la situation. Je discutais tout à l'heure avec un jeune homme qui espère que cet énorme bug fasse tout sauter, y compris ses agios, ses dettes et ses crédits. C'est beaucoup moins calme en revanche à l'intérieur de la banque, transformée en véritable camp retranché, contrôle d'identité musclé, détecteur de métaux, maître chien. Un détachement policier est venu prêter main forte au personnel. La direction a précisé qu'elle refuserait les clients dont le compte est débiteur ne serait-ce que d'un euro. Résultat, le ton monte. On ne compte pour l'instant qu'un bras cassé, mais la situation peut dégénérer d'une minute à l'autre. Je m'approche d'un monsieur qui se dirige vers la sortie. Monsieur, vous venez de retirer 1000 euros. Vous pensez que ce sera suffisant? Écoutez, on va déjà faire avec. Hein. Et puis s'il le faut, j'irai chez ma fille en province. Hein. Là-bas, je crois que les distributeurs fonctionnent encore. Enfin, je vais déjà essayer de ne pas me faire piquer cet argent-là. Une sage résolution, Coralie, car dans la foule tassée devant l'entrée, on murmure déjà qu'il n'y aura pas suffisamment de liquide pour tout le monde. En direct du siège de la Banque de France, Nasser Loubia pour FPI. D'ailleurs, vous le savez, les exactions des derniers jours n'épargnent aucun quartier. Nombreux sont ceux parmi vous qui hésitent même à s'aventurer à pied. Hier, devant le supermarché asiatique Tang Frères, une milice mise en place par les habitants a eu maille à partir avec une bande de jeunes venus des banlieues sud, blessant grièvement l'un d'eux. Des milices de plus en plus présentes dans la ville, organisées spontanément par les commerçants et les associations de quartier. Et tout cela alors que les forces de l'ordre semblent de plus en plus dépassées. Alors, s'organiser ou pas, pour certains, c'est un mal nécessaire, pour d'autres, une affaire de survie. Sophie Bulot est allée poser la question au HAL. Oui, bah nous, on a été obligés de les embaucher, hein, parce que bah, le commerce de la chaussure, c'est pas un métier facile. Hein, c'est pas un métier facile. Et là, même les pieds gauches, ils disparaissaient. On a été obligés. Là, il y en a ras-le-bol. Hein. Il y en a ras-le-bol. Ils vont tout nous prendre. Après, il faudra aller payer des vigiles avec les impôts qu'on paye. Moi, les gars, là, je les attends. Là. Je les attends et je serai à les recevoir. Je vous le signalais, alors qu'un climat d'insécurité règne dans Paris, il semble que le phénomène ne fasse pas tache d'huile. Nos correspondants nous signalent pour l'instant un calme absolu en province, à l'exception des faits...